Pourquoi les chevaliers du Moyen-Âge détestaient les arbalètes ? L'arbalète est une arme qui semble avoir été inventée en Chine avant d'être utilisée en Europe. Au départ, elle servait surtout pour la chasse. Puis on a commencé à l'utiliser à des fins militaires, sans doute à l'époque des croisades. Cette arme, au départ rudimentaire, fut progressivement perfectionnée. Une des évolutions majeures se produisit au XIVe siècle lorsqu'on inventa un système qui permettait de recharger automatiquement l'arbalète. Comme cela a été très souvent le cas dans l'histoire, une évolution technologique fait le bonheur des uns et le malheur des autres. La diffusion de l'usage de l'arbalète modifia en effet les rapports de force entre les groupes de guerriers. J'ai souvent insisté dans ces chroniques sur le rôle qu'avaient joué les progrès techniques permettant d'agir ou de communiquer à distance. Nous en avons là une autre belle illustration. L'arbalète bouleversa les normes qui dominaient jusque-là dans l'activité militaire. Les chevaliers, qui étaient considérés comme l'élite des guerriers, se sentirent menacés dans leurs prérogatives. Ils détestaient l'arbalète car elle tuait à distance, ne permettant pas à l'adversaire de se défendre en corps à corps, ce qui était leur spécialité. De plus, l'usage de l'arbalète ne nécessitait aucune formation de haut niveau. Elle donnait donc à des soldats peu aguerris la possibilité de tirer de loin, sans risque, sur un chevalier en armure, alors que ce dernier avait consacré toute son existence au métier de la guerre. Considérée comme une arme déloyale par les nobles, l'arbalète fut dénoncée comme une arme immorale par le clergé en raison du peu de courage et de formation que demandait son usage. En 1139, le deuxième concile du Latran interdit son utilisation. Quelques années plus tard, le pape Innocent II menaça même les arbalétriers, les fabricants d'arbalètes et ceux qui en faisaient le commerce d'anathèmes et d'excommunication. Cela n'empêcha pas les princes qui se faisaient la guerre de recourir de plus en plus à cette arme nouvelle. Au XIIIe siècle, malgré l'interdiction, Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion développèrent des unités spécifiques d'arbalétriers bien équipées et bien entraînées. Richard Cœur de Lion fut lui-même l'une des plus célèbres victimes de cet engin de mort, puisqu'en 1199, il mourut sur le champ de bataille suite à une blessure occasionnée par un carreau d'arbalète. L'efficacité de ces armes permit à ceux qui les manipulaient de devenir des soldats d'élite. Il semble que les troupes d'arbalétriers étaient les mieux payées des armées occidentales et parfois mieux équipées que certaines classes de chevaliers. Pendant la guerre de Cent Ans, on fit aussi appel à des mercenaires arbalétriers étrangers, en particulier italiens et génois, dont le tir pouvait percer une armure jusqu'à une distance de 100 mètres. L'arbalète, qui était aussi une arme essentielle dans l'armement urbain à la fin du Moyen-Âge, devint obsolète avec le progrès des armes à feu. Comme cette autre invention permettant de tuer à distance était encore plus facile à utiliser, qu'elle nécessitait moins d'entraînement et coûtait moins cher que l'arbalète, elle devint l'équipement de base du soldat.